ils rêvent tous d'attraper Lolo. Un pop, une moustache sur les portraits robots. Quatre mecs massapés et des sacs de rando. La police voit du shit dans toutes mes vidéos. Petit à l'école, ils se faisaient frapper. Pouvaient devenir quelqu'un, mais sont devenus condés. Ils veulent se venger, cher de l'autorité. La vie serait du ma pas se faire choper. Chez moi, tout le monde trouve son bonheur. J'fais des courses poursuites en roller. Les poches sont pleines, j'suis bon acteur. Un joint de la taille d'un réacteur. J'veux faire l'argent du pays. L'État survole le fisc et toutes les lois. Mec, là-bas, la vie de ma mère, la douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est keuf, j'sais comment faire. Ouais, la justice, quel salope. Mec, là-bas, la vie de ma mère, la douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est keuf, j'sais comment faire. Ouais, la justice, quel salope. Ça veut pas que les jeunes fument la peu, mais eux boivent du rouge tous les soirs. Vide ma valise sur le quai de la gare, bah que fouille dans mes caleçons sales. Fils de pute, contribue à mon pécule. Les drogués c'est ma tribu, un ou deux kills j'ai plus. Ouais, j'suis un procès clair, j'ai comme procès je réerre. Jeune apprenti proxénète, t'as quoi très peu sur le net. J'serai dans ma planque barricadée, mais jamais derrière les barreaux. Fétichiste du bon bédo, anarchiste kick les collabos. J'veux faire l'argent du pays. L'État survole le fisc et toutes les lois. Mec, la bague, la vie de ma mère, la douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est keuf, j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Mec, la bague, la vie de ma mère, la douane est du marché en l'air. La résine de quoi? Ah là là, j'ai déjà vu ça à la télé. Non, moi j'aime pas ça. Ah, moi j'fume pas. Ouais, t'inquiète, bonne journée. Hey, nique la bague, la vie de ma mère. La douane est du machin en l'air. Fais ce qu'il est keuf, j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Nique